On va parler des Oilers d'Edmonton. Ça a brassé pas mal à Edmonton. Peter Chiarelli a été congédié. On savait qu'il était sur la corde raide, mais là, finalement, avec la défaite hier contre les Red Wings de 3, ça a été le coup de grâce qui a fait que l'ancien DG des Bruins de Boston a perdu son poste. On lui parle de temps en autre de Radio-Canada à Edmonton. On parle avec Patrick Henry. Salut, Patrick. Salut, Danny. Patrick, si on parlait d'abord des Oilers, c'est pas vraiment une surprise. On s'en attendait qu'il y avait des rumeurs, même dans l'Est, on entendait parler que Peter Chiarelli, sur son poste, était en danger. Mais là, maintenant, c'était fait. Est-ce que tu penses qu'il est trop tard pour relancer les Oilers? Non, parce que les Oilers sont encore dans la course. Là, si ouais. tu regardes le classement, ça va tellement pas bien dans l'Ouest pour plusieurs équipes que les Oilers sont seulement à 3 points d'une place en séries éliminatoires. Avec 32 matchs à jouer, c'est encore très possible de redresser la situation. On a des joueurs de talent, il y a aucun doute. Là, des gars comme Connor McDavid, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins, Oscar Clefbaum qui va revenir au jeu lors du prochain match. Alors, il y a le noyau pour faire quelque chose, mais il faut entourer ce noyau-là. Et c'est ce qu'a pas réussi à faire Peter Chiarelli. Et on peut pas le blâmer de pas avoir essayé. Je sais pas combien il y a eu de signatures de joueurs qui ont été pris au balotage ou de transactions au cours des dernières semaines, des derniers mois. Mais il n'y a pas rien qui a bien fonctionné. Trois seuls bons coups, si on peut dire, là, depuis le début de la saison. Finalement, ça a été d'offrir un contrat à Mikko Koskinen au début de la saison. Ouais. Au début, on critiquait Peter Chiarelli, mais je pense qu'il savait peut-être que Cam Talbot n'était pas aussi solide que certains le croyaient. Donc, une chance que Koskinen était là cette année. La signature d'Alex Chiasson, je pense que ça a été un très bon coup. Puis sinon, là, dans les derniers échanges qu'il a fait dans les dernières semaines, aller chercher Alex Petrovic pour Chris Wideman, ça a été un bon coup. C'est pas ça qui améliore l'équipe le plus, mais au moins, il a pas perdu cet échange-là. Les autres échanges, là, Drake Caggiula contre Brandon Manning, ça, il y a encore beaucoup de gens qui se questionnent là-dessus. Puis aller chercher des joueurs au balotage qui amènent rien à l'équipe, des fois, c'est bien de prendre une chance. Moi, je me rappelle de Mika Kikpoussov à Calgary. Ouais. On est allé chercher pour pas grand-chose. C'était un gardien qui dormait dans l'organisation des Sharks, et finalement, ça s'est avéré être le gars qui nous a emmenés jusqu'à la Coupe Stanley. Des fois, ça arrive, des chances, des coups comme ça, il faut prendre des chances, mais à force de prendre des chances, si ça marche pas, ça finit par te coûter ton emploi, puis c'est un peu ce qui est arrivé à Peter Chiarelli. C'est un peu le même principe que Marc Bergevin le Canadien. Ça, c'est moins pire cette année, mais comment Bergevin l'a fait souvent? C'est incroyable, là. On est allé chercher Alex Semin. On a pris une chance avec lui. Des fois, ça marche. Des fois, Alex Chiasson, cette année, ça fonctionne. Ça n'avait pas marché. On l'aurait mis dans la liste. Il s'est essayé avec un autre gars mais là, ça fonctionne. Donc, Alex Chiasson, Peter Chiarelli passe pour un génie. Chiasson, il n'y a personne qui lui a offert de contrat vraiment. Il est arrivé ici au tout début du camp d'entraînement. Là, il y a des équipes qui lui avaient parlé, mais tout le monde voulait lui offrir un contrat de two-way. Lui a décidé de venir ici, on voit que ça a été payant parce que sans lui aussi, les Oilers n'auraient pas le même visage cette année. Donc, ça arrive à l'occasion. Il faut le faire. Ryan Spooner, ça aurait pu être bon. Échanger Ryan Spooner pour Ryan Strome, peut-être que ça. Des fois, un échange comme ça relance deux carrières. Max Domi et Alex Galchenyuk, c'est un peu ça aussi. Domi, ça n'allait pas nécessairement si bien. Ça va à Montréal. Ça fonctionne. Donc, il faut prendre des chances, mais là, le problème, c'est qu'il y en a trop pris, puis il n'a pas réussi à avoir le jackpot. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe avec ces Oilers de maintenant? Ils ont eu des premiers choix année après année. Quand tu as le meilleur joueur de la Ligue nationale, ils ont fait un échange Taylor Hall qui a quand même été plus ou moins, mais c'était une transaction. Les Oilers avaient besoin d'un défenseur. Ça en était parlé à l'époque. Et Hall est quand même. Le joueur qui a obtenu a quand même été pas si pire dans l'échange. Il a comblé certains besoins chez les Oilers. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été un bon échange. Alors, pour revenir sur Taylor, ça a été une très bonne transaction la première année parce que Larson a rendu de fiers services aux Oilers. Les Oilers ont fait les séries éliminatoires. L'an passé, il y a eu une saison difficile. Son père est mort. Il y a eu des blessures. Cette année, on voit que la vitesse n'est pas là. Adam Larson, c'est un excellent défenseur, robuste, mais vraiment pas rapide, donc plus souvent qu'autrement, dernièrement, il connaît des mauvais matchs, il se fait contourner. Lui va avoir très hâte de voir Oscar Clefbaum revenir au jeu parce que on l'expose beaucoup trop. On l'utilise comme un défenseur numéro un à tous les soirs et c'est pas ce qu'il est, donc ça, c'est un peu difficile. il y a eu des premiers choix. Et ce matin, là, une des choses que je retiens de la conférence de presse, c'est que du côté des Oilers, ça fait 21 ans que je les couvre, là, et c'est la première fois, je pense, qu'on admet une erreur, qu'on admet qu'il y a un problème au sein de l'organisation. Tout le monde le dit, les Oilers ne savent pas comment développer des jeunes, mais ce matin, Bob Nicholson l'a dit, on a un gros problème avec ça. Le développement des jeunes, ça se fait dans la Ligue américaine, pas dans la Ligue nationale. Pourtant, depuis des années, on amène des joueurs trop rapidement. Sam Gagné, c'était le premier. Il y a eu Neil Yakupov. On a presque brûlé Ryan Nugent-Hopkins de la même façon. Là, on a des problèmes avec Jesse Puljujärvi. On est en train de brûler Kaylor Yamamoto, qui a besoin de jouer, qui a besoin d'être dans la Ligue américaine, qui a besoin de dominer. Mais là, non, on a un problème de profondeur. On a besoin de ces joueurs-là à Edmonton. Et ça va être une des choses que le nouveau directeur général va devoir adresser rapidement. Essayer d'avoir assez de profondeur, trouver une façon de s'assurer que les jeunes, on les développe dans la Ligue américaine. On peut leur donner une occasion de venir dans la Ligue nationale à l'occasion. Caleb Jones, par exemple, qui est venu passer un mois environ là en défense du côté des Oilers, on a pu le voir. On a pu y faire goûter à la Ligue nationale. Lui, tout ce qu'il veut, c'est revenir maintenant. Son jeu, je suis convaincu que là, il vient de redescendre dans la Ligue américaine. Je suis convaincu qu'il va devenir un meilleur joueur à cause de ça. Mais je pense que le plan, c'est pas de le remonter cette année. Là, on le sait qu'il est trop jeune. Donc, il faut faire ça avec nos jeunes joueurs. Et il faut qu'on respecte notre parole. Ça, c'est surtout le problème. C'est qu'on dit, oui, oui, on va le faire, mais dès qu'il y a une petite occasion, on rappelle le joueur. Donc, il y a un problème au niveau de l'organisation des Oilers depuis de nombreuses années au niveau du développement, et ce matin, on l'a reconnu, donc ça, c'est déjà un pas en avant, selon moi. Est-ce que les belles-mères sont encore là? Moi, je trouvais que c'était positif au début, mais j'écoutais Martin Leclerc au 91.9 aujourd'hui dire qu'il y a des belles-mères des Oilers qui sont encore là, les Gretzky, les McTavish, les Kevin Lowe sont encore dans l'organisation, puis ils peuvent être considérés comme des belles-mères. Ça peut être négatif. C'est l'ancien compte, là. C'est l'ancien compte. Ah, ouais. Gretzky, c'est Marc Gagnon, McTavish, c'est Pierre Lambert. On revient au jeu, on s'en va comme coach, comme DG, on se promène dans l'organisation. C'est un peu ça. Kevin Lowe est officiellement pas du côté opération hockey. Il est là comme vice-président du groupe Oilers Entertainment. Le groupe Oilers Entertainment fait du hockey, mais fait aussi des spectacles, gère l'aréna. Donc, le rôle de Kevin Lowe est supposé d'être plus au niveau administration. Gretzky aussi, mais on sait très bien qu'ils sont impliqués dans les décisions. Keith Gretzky là devient le DG par intérim jusqu'à la fin de la saison, mais on a déjà dit qu'on ne lui laissait pas carte blanche. Donc, si lui, demain, décide de qui procède à un échange, par exemple, si on dit, ben, demain, moi, je vais échanger Cam Talbot, puis je vais aller chercher un défenseur, il peut pas décider. Faut qu'il y ait l'approbation du monstre à plusieurs têtes en haut de lui, là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il parle à Bob Nicholson, à Craig McTavish, à Scott Arson, probablement à Kevin Lowe et à Wayne Gretzky aussi, avant de pouvoir faire la transaction. Donc, oui, ça ralentit le processus. Oui, il y a beaucoup de monde impliqué. C'est comme ça qu'on a choisi de fonctionner à Edmonton et ben, c'est un peu malheureux. Mais Keith Gretzky va pouvoir quand même faire des échanges. On dit qu'il y en aura dans les prochains jours, d'ici la date limite des transactions. Mais c'est pas lui qui va tout faire tout seul. Comme on critique Peter Chiarelli d'avoir fait signer un contrat à Mikko Koskinen quelques jours avant son départ. C'est pas Chiarelli, ça. Nicholson nous l'a confirmé ce matin, là. C'est Chiarelli qui est allé devant pour annoncer le contrat, mais c'est pas lui qui a tout fait, là. C'était avec l'approbation de la direction de l'équipe. OK. Dis-moi, est-ce que de ramener les Oilers, puisqu'à un moment donné, il avait été écarté, les Oilers. C'est l'ancien entraîneur là, des Marlies de Toronto là, qui était là puis qui avait écarté les photos du vestiaire des Oilers. Tu t'en rappelles là, de ça? Comment il s'appelle l'instructeur? Bref, peu importe. C'est bon de ramener les anciens Oilers, mais plus dans un rôle peut-être d'ambassadeur que de pouvoir décisionnel. Parce que c'est cette gang-là. Ben, effectivement. Ouais. Effectivement, des fois il y a des bons côtés à ça. Il faut voir la tradition, mais il faut voir aussi que à un moment donné, on vit dans le futur. Donc Dallas Eakin n'avait pas nécessairement tort avec sa façon de faire, mais il les a écartés complètement. Je pense qu'il y a un mélange des deux qu'il faut faire. Et c'est pas parce qu'on veut pas renier le passé qu'on est obligé de donner un emploi à tous ces gens-là. Paul Coffey s'est fait offrir un poste l'an passé comme consultant. On le voit pas, Paul Coffey. Il est rarement à Edmonton. C'est juste qu'on a voulu lui donner un emploi. C'était pour calmer les fans l'an passé parce qu'il se passait rien. Ouais. Ça allait pas bien. Donc, on a dit, bon, on va faire une annonce. On va amener Paul Coffey. Les gens vont être contents. Ils l'aiment, Paul Coffey. Oui, mais si on dit que c'est Mark Messier, le nouveau directeur général de l'équipe, et là, je doute que je pense pas que c'est ça qui va arriver. Là, mais si on disait ça, puis en pensant que les gens vont être contents, Je pense que là, on commence à se tromper parce que les gens sont un petit peu tannés de voir toujours là, les boys on the bus qui reviennent dans différentes positions, toujours, qui on dirait qu'ils ont 9 vies. Ils se font congédier à quelque part, ils se font congédier avec les Oilers et ils réussissent à revenir quand même. Donc, de voir les Flames performer comme ça, ça ajoute certainement de la pression à les Oilers. Mais surtout quand on pense qu'il y a 2 ans, là, quand les Flames ont vraiment amorcé leur grosse reconstruction, on disait d'eux qu'ils sont en train de se construire une équipe pour battre les Oilers. C'était ça l'objectif, pour éviter de faire comme dans les années 80, où les Flames étaient peut-être la 2e meilleure équipe de la Ligue, mais ils se faisaient éliminer en 1e ou en 2e ronde parce qu'ils affrontaient les Oilers au début, puis c'était eux la meilleure équipe. Donc là, on voulait pas se faire prendre au piège. La différence avec les Flames, c'est que les Flames, on n'a pas peur de faire des changements, d'échanger Dougie Hamilton et Michael Ferland cet été, c'était ça prenait du guts pour faire ça, parce que c'est un défenseur de Dougie Hamilton que bien des équipes aimeraient s'en avoir. Michael Ferland aussi, on voit là, il va probablement être échangé de la Caroline, puis la liste des équipes intéressées semble s'allonger à tous les jours. Donc, on n'a pas peur de se débarrasser de certains bons joueurs pour aller en chercher d'autres. Les Oilers, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent trop longtemps. Et attendre que tout le monde le sache qu'on n'a plus besoin de ce joueur-là, comme Jordan Eberle, par exemple, que ça marche plus. Et là, on l'échange contre pratiquement rien. Alors, il faut échanger des joueurs quand ils ont une valeur, pas attendre de les avoir brûlés. Jesse Puljujärvi, si on veut l'échanger, c'est pas le bon temps. Il aurait fallu l'échanger l'année passée, s'il fait pas partie des plans. Donc, ça, c'est peut-être une mentalité qui va changer aussi avec quelqu'un de nouveau. On va voir s'ils vont aller chercher quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui a de l'expérience. Patrick, ce que je veux dire, moi, c'est que, puis tu le vis, là, on a dit souvent que le pire effet qui est arrivé aux Canadiens, c'est que les Nordiques partent. Et les Oilers d'Edmonton, de voir les Flames performer de même, puis ils ont eu leur chance, les Oilers, là. Ça doit ajouter de la pression, puis ça doit ajouter de la colère des partisans des Oilers sur les médias sociaux et dans les lignes ouvertes. C'est sûr qu'il y en a un peu, mais je te dirais que les présentement, les fans des Oilers en ont assez dans leur assiette à s'occuper avec eux autres. On rappelle que là, on a fait les séries il y a 2 ans, mais que avant ça, il fallait remonter à 2006. Donc, l'équipe est comme en constante reconstruction. Et là, l'équipe qui met de la pression, étrangement, c'est plutôt les Canucks de Vancouver. Okay. Les Canucks qui, ça a pris 2 ans, eux, là. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils sont en reconstruction, c'est tout. Les Oilers, ça fait 13 ans. Mais les Canucks, ils ont fait ça, ils ont viré sur un dizaine, ils ont réussi, 2-3 bons joueurs, parfait, on bâtit autour d'eux autres, ça y va, puis on y va. Les Oilers, ben, il y en a des mauvais coups. On peut critiquer le choix de Jesse Puljujärvi. N'importe quelle équipe qui a reparlé au 4e rang cette année-là, probablement que le 3/4 des équipes auraient pris Puljujärvi. Yakupov, la même chose. Toutes les équipes, au moins la moitié des équipes, sinon plus, auraient pris Yakupov avec le 1er rang. Les Oilers ont fait des mauvais choix, mais imaginez si on avait Mathieu Tkachuk au lieu de Jesse Puljujärvi dans l'équipe, là. Parce que Tkachuk est sorti 2 rangs plus tard, deux choix plus tard. Et ça aurait fait toute une différence, là. Avoir un gars comme ça, on l'aurait l'ailier pour McDavid. Donc, il y a certaines mauvaises décisions qui sont prises à l'occasion. Mais c'est pas tout. Des fois, c'est pas des mauvaises décisions. Des fois, c'est des joueurs qui se développent moins bien, plus lentement. Mais quand tout arrive en même temps, ça nous donne les Oilers. On pourrait faire une série télévisée sur eux. Est-ce que tu peux, dernière question, Patrick, est-ce que tu penses que le prochain DG va être un gros nom, une personnalité forte, ou les belles-mères des Oilers vont vouloir avoir quelqu'un de faible qu'on va pouvoir contrôler? J'ai l'impression qu'on va aller chercher quelqu'un qu'on connaît un peu genre de Ken Hitchcock, qu'on connaissait, que les gens de Hockey Canada avec qui ils ont déjà travaillé, mais ça va prendre quelqu'un qui est capable de mettre son pied à terre aussi. Parmi la liste, là, il y a une longue liste de candidats qui a été nommée. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est Kelly McCrimmon, qui est assistant directeur général avec les Golden Knights de Vegas. Lui, je l'ai côtoyé un peu à l'époque, qui était dans la Ligue junior de l'Ouest avec Brandon, et Mark Hunter, qui a une feuille de route impressionnante au niveau des repêchages, des joueurs qu'il va chercher, parce qu'on dit que c'est ça qu'on cherche là présentement, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier le talent. Identifier le talent, ça veut dire aller voir les jeunes qui vont être meilleurs que ce qu'on prévoit. Donc, Mathieu Tkachuk, même s'il est classé 6-7e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, si on a 3e rang, ben aller chercher lui peut-être plutôt que Puljujärvi. Puis ça veut dire aussi que ça vaut pas le coup de prendre une chance avec Ryan Spooner contre Ryan Strome, parce que Spooner, on le voit aller, ça fonctionne pas, donc laissons pas aller Strome pour rien, attendons un peu. Le DG, c'était pas une des meilleures qualités de Peter Chiarelli d'analyser le talent. Il se fiait peut-être trop aux autres. Ça va prendre quelqu'un qui va être capable de prendre les décisions et de les assumer. McCrimmon et Mark Hunter sont deux bons gars pour ça. Il y a plusieurs autres noms qui circulent. Il y en a un ancien des Oilers, le Bill Guérin. Qui même fait Trevor Timmins. Trevor Timmins, ouais, il y a des gens à Montréal qui ont sorti cette information-là aussi. Bon, peut-être, c'est sûr que quelqu'un qui a déjà joué un rôle de recruteur, de dépisteur, ça lui donne un certain avantage. On va voir, mais ce que je retiens de ce matin, c'est qu'on n'est pas pressé. On va probablement attendre pendant la saison morte avant de faire une annonce, à moins d'avoir là, la perle rare qui se présente, mais... connaissant les Oilers, je pense qu'on va attendre à cette étape. Effectivement. Patrick, un très, très gros merci. On s'en parle bientôt. Parfait. Salut, Patrick Henry de Radio-Canada.